بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on commence ce cours qui est le 8e cours de l'explication de l'épître Les quatre règles de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdel Wahhab, car lui fasse miséricorde, par Cheikh Abdullah bin Abdel Rahim al-Bukhari, car le présent. Pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas présents au cours précédent, sur notre site spfbirmingham.com, il y a les notes de cours et les audios des 7 cours précédents. On commence directement et on était arrivé, comme je l'ai déjà dit dès le début, que le cours de Cheikh Abdullah, hafidhahullah ta'ala, il l'avait fait, cet épître, en 3 cours. Le premier cours, on l'a fini, et c'est ce qu'on a fait donc en 7 cours en français, et chaque cours se termine par une session de questions-réponses. Et lors de la première session de questions-réponses pour le premier cours, il avait parlé d'un point et le Cheikh va y revenir avant de commencer l'explication de la deuxième règle. Et il dit justement, حفظه الله تعالى, قبل أن نبدأ في درس الليلة أرغب في التنبيه على أمر يتعلق باللقاء الذي مضى بارك الله فيكم. هذا الأمر ما كنت أظن أن الأفهام تبلغ بأصحابه هذا المبلغ، فقد شرق بعضهم وغرب وأتى بالعجائب، والعجائب جمة ولا ضير، فكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. Donc Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit, avant de commencer le cours de ce soir, je désire attirer l'attention sur un point lié à la rencontre précédente, qu'Allah vous bénisse. Et ce point, je ne pensais pas que les compréhensions de certains arriveraient à ce niveau, quant à ce point. Car certains ont été de tous les côtés dans leur compréhension et sont venus avec des choses étonnantes. Et les choses étonnantes sont nombreuses, et il n'y a pas de mal, car comme sont nombreux ceux qui critiquent une parole correcte, alors que son défaut vient de la compréhension incorrecte. Puis le Cheikh continue en disant, Hafidhahullah, وبكل حال فلن أتعرض لما ذكر أو لما بلغ لي من ذلك، وإنما أستعرض بعض ما قد التبس عليه الأمر فأجيب على أنه وجه والجواب عليه من باب ما بال أقوام، واضح؟ من باب الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ألا هو الأمر عندما سئلنا عن الامتحانات أو جعل اختبار الطلاب سؤال الاختبار. لا شك أن هذه المسألة أخذت مسارا بعيدا وشرقت وغربت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد يكون البعض قصده حسنا وقد يكون البعض قصده سيئا وهكذا، والله أعلم بينا وبهم. هذه المسألة بارك الله فيكم قد بينت فيما مضى من الجواب أن مسألة إجراء الاختبارات والتصحيح، يعني تصحيح الأسئلة، أسئلة سؤال وجواب، نعم، وراسب وناجح هكذا، التصحيح ليست من سنن أهل العلم، سمعها بعض الناس سنة ليس من السنة، أنا قلت سنن، أعني طريقة العلماء، والجواب عن المسألة أو بيانها أكثر إيضاحا أن بعض الناس قد استشكل وقد يعني أعذره نوعا ما، إذ بعض الناس أشد ظاهرية من ابن حزم نفسه. Cheikh dit, quoi qu'il en soit, je n'interviendrai pas au sujet de ce qui a été dit. Pour comprendre, pour peut-être que les frères et sœurs qui n'étaient pas au cours précédent, et l'importance de suivre les cours un par un, c'est que le Cheikh avait reçu une proposition, une question de quelqu'un qui voulait avoir des tests et des examens après chaque cours. Et Cheikh avait répondu par rapport à ça, et certaines personnes ont mal compris la parole du Cheikh, et donc Cheikh ici le clarifie. Quoi qu'il en soit, je n'interviendrai pas au sujet de ce qui a été dit ou de ce qui m'en a été rapporté, mais j'interviendrai uniquement au sujet de certains pour lesquels l'affaire est ambiguë. Et donc j'y réponds comme si c'était un angle. Et la réponse à ce sujet sera dans le sens, et c'est le hadith du professeur Hassan, « Ma balu aqwamin » Quand des gens ont ceci ou cela. Est-ce clair? Le sens de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, « Ma balu aqwamin » Quand des gens ont ceci ou cela. Et cette affaire est au sujet de la question qui nous a été posée au sujet des examens ou de faire des examens pour les étudiants, des questions d'examen. Cheikh il dit, il n'y a aucun doute que cette affaire est allée loin et est partie de tous les côtés. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Il se peut que l'intention de certains soit bonne et il se peut que l'intention d'autres soit mauvaise, etc. Et Allah le plus savant à notre sujet et à leur sujet. Et cette affaire, qu'Allah vous bénisse, j'avais expliqué dans la réponse qui a précédé, dans le cours précédent, qu'en ce qui concerne le fait de faire passer des examens et de corriger, c'est-à-dire de corriger les questions, des questions et des réponses et qu'il y ait quelqu'un qui réussit ou qui échoue, etc. Cela ne fait pas partie des sunan, traditions, des gens de science. Certains ont entendu sunnah, alors que moi j'ai dit sunan, c'est-à-dire la méthodologie des savants. Donc certains ont compris que le cheikh il a dit, ah, ça ne fait pas partie de la sunnah. Le cheikh il a dit, j'ai dit sunan. Et la réponse à cela, ou une explication plus approfondie de cela, est que certains ont été confus, et je les excuse d'une certaine manière, car certains sont plus zahiri qu'Ibn Hazm lui-même. Ibn Hazm, que l'ulama appelle Ibn Hazm al-Zahiri. Il dit le cheikh, وعلى كل حال فمثل هذا من الأمثلة أو مثل هذا من الأمثلة أن بعضهم فهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد عند البخاري وغيره في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن وهي ماذا؟ النخلة الحديث وكذلك حديث لما كان معاذ رضي الله تعالى عنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد والأحاديث التي تدور في هذا المعنى والفلك وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث في بعض مواضعه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرهم أو ليختبر ما عندهم من العلم أقول إن الإمام البخاري رحمه الله قد خرج هذا الحديث في 10 مواضع من صحيحه ثلاثة منها في كتاب العلم من هذا الباب الذي ذكرناه ومنها باب قبله باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا ومن الباب الثالث كلها في كتاب العلم من صحيح البخاري باب الفهم في العلم وليت هؤلاء دققوا في تبويب الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث لا يدل على ما أرادوه ولا ما فهموه وتبويب الإمام البخاري لا يدل على هذا الفهم أبدا فقوله ليختبر ليس مع الاختبار الذي ذهبت إليه أذهان الكثيرين فكون المدرس أو العالم أو الشيخ يختبر أذهان الطلاب ويمتحن تيقظهم وعدم غفلتهم هذا من السنة هو الذي نفعله وفعله أيضا مشايخنا ومن قبلنا من العلماء ومن قبلنا من العلماء أنهم يسألون وهذا نطرحه نحن وقد طرحنا في مرات كثيرة ولا زلنا نطرح الأسئلة في بعض ما نطرح من شرح ومن ذلك أن قلت ما أعظم ما نهى الله عنه أجاب البعض قال الشرك أعظم ما أمر الله به ماذا؟ إيش؟ التوحيد وهكذا فهذا طرح المسألة على الطالب اختبارا لذهنه وتيقظه وحضرته وعدم غفلته هذا من السنة واضح؟ دونك الشيخ دي إي كو كيل إن سوا Un exemple est que certains ont compris du hadith de Abdullah ibn Omar, qu'elle a nutri les agrès tous deux, rapporté par Al-Bukhari dans l'authentique et par d'autres au sujet de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il y a un hadith ici qui a été rapporté dans beaucoup d'endroits dans le Bukhari, rahimahullah. Et le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un arbre parmi les arbres dont les feuilles ne tombent pas. Et il est à l'exemple du croyant. Et on va le voir plus tard, inshallah, dans l'explication du shirk, que cette question... Elle a été posée par le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'Abdullah ibn Omar, il a su la bonne réponse, mais il n'a pas osé le dire par respect pour les sahaba qui étaient plus grands que lui et qui étaient présents. Alors lui, on ne va pas s'attarder en détail sur le hadith, mais juste que vous compreniez le contexte. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de cet arbre, et Ibn Omar, il a deviné, sa perspicacité l'a amené à se dire à lui-même que c'était le palmier. Et il avait raison, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, al-nakhla. Mais on va voir pourquoi Ibn Omar il a compris cela comme ça, inshallah. Donc le hadith, il dit, il y a un arbre parmi les arbres dont les feuilles ne tombent pas, et il est à l'exemple du croyant. Et c'est quoi? Le palmier. Il y a aussi le hadith, lorsque Mu'adh, quand le trio l'agré, était à l'arrière du prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa monture, et qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, oh Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Ainsi que les autres hadiths qui tournent autour de ce sens. Et l'imam al-Bukhari a donné comme titre de chapitre pour ce hadith à certains endroits, chapitre que l'imam présente l'affaire à ses compagnons afin qu'ils les testent ou qu'ils les testent au sujet de ce qu'ils ont comme science. Je dis, c'est Cheikh al-Bukhari qui parle, l'imam al-Bukhari, qu'Allah le fasse miséricorde, a rapporté ce hadith à 10 endroits de son livre l'authentique, al-Sahih, dont 3 dans le chapitre de la science. Donc l'imam Bukhari a rapporté le hadith sur l'arbre qu'on a dit qui est le palmier, à 10 endroits de son sahih, dont 3 dans un seul chapitre qui est Kitab, livre de la science, chapitre de la science, qui est Kitab l'ilm. Donc dans le livre de la science, dans ce chapitre que nous avons cité, et le chapitre que le précède, qui a pour titre chapitre de la parole du muhaddith, haddathana, ou akhbarana, ou anba'ana. On avait déjà rapporté une différence entre ces terminologies dans notre premier dars de l'adab al-mufrad de Bukhari rahimahullah, et j'avais cité une référence de Cheikh al-Albani rahimahullah à ce sujet. Et Cheikh continue, dit à ce sujet un troisième chapitre, tous dans le livre de la science, dans l'authentique d'Al-Bukhari, chapitre de la compréhension dans la science. Puis Cheikh dit ici seulement cela à le regarder en détail dans le titre du chapitre de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce hadith n'indique pas ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils ont compris. Et le titre du chapitre de l'imam al-Bukhari n'indique pas du tout cette compréhension, car sa parole, afin qu'il teste ou examine, n'a pas le sens d'examen vers lequel l'esprit de beaucoup est parti. Le fait que l'enseignant ou le savant ou le chir examine les esprits des étudiants et qu'il teste leur éveil, et le fait qu'ils ne soient pas inattentifs, cela fait partie de la sunna. Et c'est ce que nous faisons, et ce qu'ont également fait nos chouyours et ceux qui nous ont précédés parmi les savants. Et c'est qu'ils questionnaient, et cela c'est nous qui le présentons, et nous l'avons présenté maintes fois. Et nous n'avons de cesse de poser les questions dans ce que nous exposons comme explication. Et parmi cela, ce que j'ai dit, quelle est la chose la plus grave qu'Allah ait interdite? Certains ont répondu en disant le shirk, l'association à Allah. Quelle est la chose la plus importante qu'Allah ait ordonnée? L'unicité, etc. Et donc cela est le fait de présenter une affaire à l'étudiant afin de tester son esprit et son éveil et sa concentration, et le fait qu'il ne soit pas inattentif. Cela fait partie de la sunna, est-ce clair? Puis le cheikh continue en disant Ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma qala annahu ja'a fi nafsihi annaha madha an-nakhla. كيف عرف ابن عمر انها النخله جاء عند ابي عوانه في مستخرجه وجه قول عبد الله بن عمر انها النخله او قوله في بعض الروايات وقع في نفسي انها النخله قال فظننت انها النخله عند ابي عوانه لماذا قال من اجل الجمار الذي اتى به النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام الى اصحابه معه الجمار ومن النخل وجلس فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بجمار فقال إن من الشجرة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن قال فظننت أن أو فوقع في نفسي أن النخلة بدليل القرينة التي معه واضح بدليل القرينة الذي أو التي كانت معه وجاء عند البخاري في كتاب الأطعمة أن ابن عمر قال بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجمار الشيخ الإسلام إذ جمار شرح الحديث جمار سي قلب النخلة on va expliquer ce que ça veut dire en français إن شاء الله فقال يقول الحافظ في الفتح به إشارة إن أن المغز له كاللغز وهذا من باب اختبار مدى الأذهان ليس لاختبار تصحيحيا وترسيبا ناجح وراسب قال إن المغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه إذن هل الذي فهمه من فهمه يدل على ومن فهمه يدل على المعنى الذي ذكرنا ونفيناه عن العلماء ليس هو من قريب ولا من بعيد Ibn Omar, quand il les a agréés tous les deux, a dit qu'il avait eu à l'esprit que c'était le palmier. Comment est-ce qu'Ibn Omar savait que c'était le palmier? Il a été rapporté par Abu Uwan dans son Mustakhraj la raison pour laquelle Ibn Omar a dit que c'était le palmier, ou sa parole dans certaines narrations, j'ai eu à l'esprit que c'était le palmier. Il dit, j'ai pensé que c'était le palmier. Et d'ailleurs, pour vous susciter votre curiosité, c'est ce qu'on dit toujours dans nos cours, c'est qu'on cite des sources, c'est pour susciter la curiosité des frères et des sœurs et qu'ils aillent voir dans ces sources-là et qu'ils apprennent d'autres choses en même temps, comme nous l'a dit Cheikh Mustafa Mabram et d'autres parmi les gens de science. Et donc maintenant, soyez un peu curieux et allez chercher dans les livres et allez voir aussi la réaction de son père, Omar ibn Khattab, quand Ibn Omar lui a dit cela, et les fawaits qu'ils ont, les ulama, ils ont tiré de ça. Donc il dit, j'ai pensé que c'était le palmier, comme c'est rapporté par Abu Awana. Pourquoi? Il dit, en raison d'Al-Jummar. Al-Jummar en français, c'est le spadis du palmier, avec lequel est venu le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu chez ses compagnons, alors qu'il avait le spadis du palmier, ce qu'on appelle Jummar, c'est-à-dire qalbun nakhla, comme l'a dit Cheikh al-Islam, et il s'assied, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vint donc avec le spadis et dit, il y a un arbre parmi les arbres dont les feuilles ne tombent pas, qui est à l'exemple du croyant. Il dit, Ibn Omar, j'ai pensé ou m'est venu à l'esprit que c'était le palmier, avec pour preuve l'indice qui était avec lui. Est-ce clair? Avec pour preuve l'indice qui était avec lui. Il était rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, dans le livre des Kitab al-At'ima, le livre des nourritures, qu'Ibn Omar a dit, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un spadis de palmier lui fut apporté et il dit, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce que dit Ibn Hajar, al-Hafid Ibn Hajar, rahimahullah, dans Fath al-Bari? C'est quoi le Fath? Quand les ulama disent Ibn Hajar, al-Hafid a dit dans le Fath, c'est-à-dire Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre, al-Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Quelle explication du grand savant al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani de l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, jami'an. Il dit donc al-Hafid Ibn Hajar dans le Fath, c'est-à-dire Fath al-Bari, l'explication d'al-Bukhari, il y a en cela l'indication. وقال أيضا il y a aussi l'indication que celui à qui l'énigme est dite, le Cheikh dit, le Bukhari dit comme l'énigme, et ça fait partie du test de quoi? Du test des esprits, et pas l'examen en termes de correction d'échec, a réussi ou a échoué. Il dit, donc Al-Hafid Ibn Hazar, on revient à la porte du Al-Hafid Ibn Hazar, rahimahullah, il convient à celui à qui l'énigme est dite qu'il réfléchisse aux indices des situations qui ont lieu lors de la question. Et qu'il convient à celui qui pose l'énigme de ne pas exagérer dans la dissimulation. At-ta'miya. At-ta'miya, c'est-à-dire que la personne qui pose l'énigme, il ne doit pas exagérer au point que la personne ne sache pas trouver la réponse. Qu'il dissimule complètement. Il dit en ne laissant aucune porte à celui qui pose, à qui est posé l'énigme pour y entrer. Mais au contraire, au plus il lui facilite la chose, au plus cela aura d'effet sur l'esprit de celui qui écoute. Donc, Cheikh al-Bukhari, il continue en disant, donc, est-ce que ce qu'il a compris de sa propre compréhension indique le sens que nous avons cité et que nous avons démenti en ce qui concerne les savants? Non, ce n'est pas cela, ni de près ni de loin. Wa qala ayda al-hafid mustanbitan, toujours par rapport à ce hadith, fi imtihan al-alim, adhan al-talaba, بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. الشيخ البخاري دي أي يبين ذلك لا يجعل الأمر تعمية. قال وفيه التحريض أي ابن حجر رحمه الله وفيه التحريض على الفهم في العلم. وقد درب البخاري رحمه الله له باب الفهم في العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام. الشيخ البخاري دي وفي باب الفهم في العلم بعد أن ذكر الحديث بيّن مناسبة الحديث للباب فقال رحمه الله مناسبة للترجمة أن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة عند حضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. الحافظ ابن حجر رحمه الله il dit aussi en déduisant cela du hadith. Il y a dans ce hadith le fait que le savant teste l'esprit des étudiants par ce qui est dissimulé, tout en le leur clarifiant s'ils ne l'ont pas compris. C'est-à-dire qu'il explique cela et ne laisse pas l'affaire complètement à l'aveugle, c'est-à-dire dissimulé. Il dit, il y a dans ce hadith l'incitation à la compréhension de la science. Cheikh al-Bukhari dit que l'imam al-Bukhari a donné comme titre de chapitre à ce hadith, chapitre de la compréhension dans la science. Et je vous dis, mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, et je vous recommande vivement, de, si vous ne l'avez pas, de l'acheter, si vous l'avez, de le lire, c'est que Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, il a fait un volume entier dans l'explication du livre de la science de l'authentique d'Al-Bukhari, rahimahullah. Et c'est publié. On continue, et dans le chapitre de la compréhension dans la science, après qu'il ait cité le hadith, il a clarifié l'opportunité du hadith pour ce chapitre en disant qu'Allah lui fasse miséricorde. Son opportunité quant au titre du chapitre, et c'est quoi le titre du chapitre? Chapitre de la compréhension de la science, Donc, quelle est l'opportunité du hadith ibn Omar par rapport à ce chapitre? On va le voir maintenant. Son opportunité quant au titre du chapitre est qu'ibn Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'affaire, lorsque le spadis du palmier lui fut présenté, ibn Omar il a compris que ce au sujet duquel la question a été posée est le palmier. Et donc la compréhension est une perspicacité par laquelle celui qui la détient comprend en termes de parole ce qui l'accompagne comme parole ou action. Puis le cheikh il dit فَهَدِ الْأَحَدِيثُ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا وَمِنْ بَابِ طَرْحِ الْمَسْأَلَةِ لِاخْتِبَارِ أَفْهَامِ الطُّلَّابِ لا أن أجري اختبارا عند ختم الدرس أو الدروس أو الكتاب وأقول فلان ناجح وفلان راسب. والأمر الثالث بارك الله فيكم لو تأملت في سير العلماء الذين درسوا وقرأت تراجمهم منذ السلف الأول وما مر على هذه الأمة من إنشاء المدارس كالمدرسة البيهقية والمدرسة النظامية والصلاحية وغيرها مما توارد عليها العلماء ودرسوا فيها العلم لن تجد أن أحد منهم في ختم الدرس أو إنهاء كتاب أو إنهاء كتاب أن أجرى اختبار للطلاب ناجح وراسب. اجعل تحتها خطوطا أو فوقها خطوطا حتى يفهم هذا. هذا سنن العلم. يدرس العالم ويختبر أذهان الطلاب إن كانوا فهموا فهموا إن لم يفهموا أعاد ليفهموا. ثم بعد ذلك دور الطالب من مذاكرته للعلم. ويذاكر ويتذاكر مع أخيه وصاحبه ليثبت العلم. ولو تأملت في الكتب المؤلفة في أدب الطلب والمنصوص عليها ستجد من مقالات العلماء مثلا ما ذكره العلامة ابن جماعة قال إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به أي بالدرس على الطلبة يمتحن بها فهمهم. شيخ البخاري يدي يعني أختبر تيقظهم وفهمهم وإدراكهم. قال ابن جماعة رحمه الله يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم. فمن ظهر استحكام فهمه استحكام فهمه يعني أنا فاهم فاهم ضابط. فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار إصابة في جوابه شكيرا. يعني سألتك فأجبت فكان جوابك صحيحا وكررت سؤالا آخر فأجبت فكان الجواب صحيحا فما هو الدور؟ قال شكره. قال له أحسنت أو بوركت. الشيخ لي حفظه الله تعالى et donc ces hadiths et ceux qui leur sont similaires sont au sujet d'exposer un point afin de tester la compréhension des étudiants et pas que je fasse passer des examens à la fin du cours ou des cours ou du livre et que je dise un tel a réussi et un tel a échoué. Et le troisième point qu'Allah vous bénisse, si tu médites au sujet des biographies des savants qui ont enseigné, et dont j'ai lu les biographies depuis les premiers prédécesseurs, et ce qui s'est passé dans cette communauté en termes d'ouverture d'école, comme Al-Madrasa Al-Bihaqiyya, et Al-Madrasa Al-Nizamiyya, et Al-Salahiyya, et autres parmi celles où se sont succédés les savants, et dans lesquelles ils ont enseigné, tu ne trouveras jamais que l'un d'entre eux à la fin du cours ou à la fin d'un livre qu'il a fait passer un examen à ses étudiants a échoué ou a réussi. Trace des lignes au-dessus de cela ou en dessous de cela afin que cela soit compris. Voici les traditions de la science. Le savant enseigne, il teste les esprits des étudiants et s'ils ont compris, alors ils ont compris. Et s'ils n'ont pas compris, ils répètent afin qu'ils comprennent. Et après cela vient le rôle de l'étudiant qui révise la science. Il révise et révise avec son frère et son compagnon afin que la science s'affermisse. Et si tu médites au sujet des livres écrits au sujet des bien-sciences dans l'acquisition de la science et ce qui a été écrit à ce sujet, tu trouveras les paroles des savants comme par exemple ce qu'a dit Ibn Jama'a qui a dit, Rahimahullah, lorsque le cheikh a fini d'expliquer une leçon, il n'y a pas de mal à ce qu'il présente des points aux étudiants ayant pris au cours afin de tester leur compréhension par ces points. Cheikh al-Bukhari dit, c'est-à-dire que je teste leur réveil et leur compréhension. Ibn Jama'a dit, rahimahullah, il teste par cela leur compréhension et leur précision de ce qui leur a été expliqué, et celui dont apparaît qu'il maîtrise sa compréhension, c'est-à-dire qu'il a compris avec, et avec précision, en ayant juste de manière répétitive et remercié. Cheikh al-Bukhari il illustre cela en disant, c'est-à-dire que je t'ai questionné et que tu as répondu et que ta réponse est correcte. Et que j'ai répété notre question, et que tu as répondu, et que ta réponse est correcte. Qu'en est-il à ce moment-là? Il dit, Ibn Jama'a rahimahullah, il est remercié. Il lui dit, tu as bien fait, ou qu'Allah te bénisse, bourikta. D'accord? Celui qui n'a pas compris, nous lui disons qu'il a échoué. Il dit, c'est une question évidemment, il dit, et celui qui n'a pas compris, il est doux envers lui en lui répétant. Je répète cette phrase en arabe parce que je ne pense pas que je l'ai cité. Il dit, طيب من لم يفهم نقول راسل قال ومن لم يفهم تلطف في إعادته له أي إعادة ما لم يفهمه له وقال ابن رحمه الله أنا الطالب أن يطالب الطلبة أي الشيخ إذا ما أنهوا حفظ متن عليه أن يطالب الطلبة أن بعض الأوقات في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضغطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة ويختبر بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره. شيخ البخاري يقول أنا أسألكم هذا الامتحان وهذا الاختبار هو للناجح والرسوب أو للضبط وعدمه للنجاح والرسوب أو للضبط وعدمه للضبط وعدمه فهمت بارك الله فيك. الشيخ يقول et celui qui n'a pas compris, il est doux envers lui en lui répétant. C'est-à-dire en lui répétant ce qu'il n'a pas compris. Et il dit aussi, Ibn Jama'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il demande aux étudiants, c'est-à-dire les chers, lorsqu'ils ont fini de mémoriser un texte avec lui, qu'ils demandent aux étudiants, à certains moments, de répéter ce qui a été mémorisé et de tester leur précision quant à ce qu'il leur a expliqué comme règles importantes et affaires singulières. Et qu'il les teste par des sujets qui sont basés sur un fondement qu'il a enseigné ou une preuve qu'il a citée. Puis Cheikh al-Bukhari, il continue, il dit, moi je vous demande, est-ce que ce test et cet examen est pour la réussite ou l'échec, ou pour l'exactitude ou l'absence d'exactitude? Maintenant je vous pose la même question, qu'est-ce que vous dites? Le Cheikh, il répond lui-même à cette question, il dit, pour l'exactitude ou l'absence d'exactitude? As-tu compris qu'Allah te bénisse? Le quatrième point, al-amr al-radi'a, dhanna ba'd an-nas anna lafdata ikhtabara wa imtahana anni amna'u minha. وهذا لا أظن مدركا يدرك ما أقول أو ما قلناه مرارا وتكرارا أني أمنعه لكن الامتحان الذي هو في الذهن وتولد الآن هو الذي أقول إنه ليس على سنن أهل العلم وإلا فاختبار أذهان الطلاب امتحانهم امتحان ضبطهم وتيقظهم وعدم غفلتهم و هذا أمر لا يمكنه أحد لا يمكن إنكاره ومما قلناه مرارا وتكرارا في شروحنا على النخبة والموقظة سيدي هذا المصطلح الحديث وغيرها أن من وسائل معرفة العلماء ضبط الراوي الامتحان امتحانه لما يغلطه من المرويات ليس بعد انتهاء شرح أو درس اختبره امتحانه فيما يحفظ كما ذكر أبو زرعة الإمام أحمد قال أبو زرعة لعبد الله ذاكرت أبا عبد الله في ألف ألف حديث فوجدته يحفظها أو كما قال رحمه الله ذاكره على الأبواب الأحاديث فهذه المسألة أعني مسألة الامتحان مشهورة مشتهرة ومقررة أنها من وسائل معرفة ضبط الراوي. Le quatrième point, certains gens ont pensé que j'interdis le mot tester ou examiner. Et cela, je ne pense pas que quelqu'un qui comprend ce que je dis ou ce que nous avons dit maintes et maintes fois comprenne que je l'interdis. Mais l'examen qui est maintenant à l'esprit, qui est apparu maintenant, c'est celui au sujet duquel je dis qu'il ne fait pas partie des traditions des gens de science. Si l'on teste et examine l'esprit des étudiants, et teste leur exactitude et leur éveil, et le fait qu'ils ne soient pas inattentifs, etc., personne ne nie cela. Et on ne peut nier cela. Et parmi les choses que nous avons dites maintes et maintes fois, dans nos explications d'Al-Nukhba et Al-Muqida, qui sont des livres dans la terminologie du hadith, comme j'ai déjà dit, et autres, c'est que le test fait partie des moyens par lesquels les savants connaissent la précision d'un rapporteur. Le tester au sujet de ceux dans lesquels il est précis en termes de narration. Et pas que je le teste après la fin de l'explication ou du cours. Donc, Cheikh continue en disant, je le teste au sujet de ce qu'il mémorise. Comme l'imam Abu Zur'a, lorsqu'il a délibéré avec l'imam Ahmed, la cunia de l'imam Ahmed c'est Abu Abdillah, et il a dit à Abdullah, j'ai délibéré avec Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, au sujet de 1000 hadiths, c'est-à-dire 1 million, et j'ai trouvé qu'il les connaissait par cœur, ou comme il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a délibéré avec lui, avec l'imam Ahmed rahimahullah, au sujet des chapitres et des hadiths, et donc cette affaire, c'est-à-dire l'affaire de l'examen, est une affaire connue, et répandue, et établie, comme faisant partie des moyens de connaître l'exactitude d'un rapporteur. On va voir ça plus tard, inchallah, dans le cours, comme le fait que certains, comme l'ont fait l'imam Bukhari rahimahullah, qu'ils ont tourné ou mélangé des chaînes de narration avec des hadiths pour voir si la personne va voir l'erreur qui est pour tester sa précision. Même si on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous donnerai une référence, inchallah, si pour les frères et les sœurs qui veulent rentrer plus en détail dans ce point-là, par rapport à ce qu'on appelle notamment al-maqloub dans le hadith. Et certains ont dit. وقال بعضهم لعل حديثة البخاري واختبار البخاري يعني ظاهرة نعم نقول إن الإمام البخاري قد امتحن كما هي في قصته الشهيرة اختبار أهل بغداد له وقد تكرر امتحان أهل العلم بعضهم بعضا فيما يضبطون من المرويات ويقلب بعضهم الأحاديث على بعض ليختبر ضبطه كما قلب حمال بن سلمة على ثابت البناني أحاديث قال فلم تنقلب عليه وقلبت على أذان بن عياش فانقلبت وهذا القلب هو نوع من أنواع علوم الأحاديث المقلوب لما ذكر لما ذكر العلماء ولما ذكر العلماء من طرائقه الامتحان من العلماء من منع القلب أبدا ومنهم أو الأكثر على جوازه بشرط أن لا يبقى حديثا بمعنى لو قلبت فاختبرتك ولم تستطيع الجواب لابد وجوبا أن نبين قبل أن تغادر الصواب من الخطأ حتى يستمر الخطأ حديثا ومنهم كما قلت من منع بالكلية فهذا باب وما قلته باب ولعلي لو قربت لك أكثر فأكثر وأختم وأرجو أن المسألة لا تتعدى أكثر من هذا فلا تبدأ القصور والعناني على أفهام سقيمة. Et Cheikh dit, peut-être que certains disent, et peut-être que le ressort de l'imam al-Bukhari et du test de l'imam al-Bukhari est clair. Oui, nous disons que l'imam al-Bukhari fut testé, comme cela rapporté dans son fameux récit, lorsque les gens de Bagdad l'ont testé. Et le test des gens des sciences les uns envers les autres au sujet de ce dont ils maîtrisent en termes de narration s'est répété. Et certains, et ça on va traduire ça comme ça, mais c'est vraiment une traduction pour rapprocher le sens, certains tournent certains hadiths. Ce qu'on appelle qalb al-hadith, par rapport au hadith maqloub, et il y a plusieurs sortes de maqloub, etc. Et je vous renvoie à l'explication, comme je vais le dire dans un instant, de al-Bayquniya dans Musnad al-Hadith, de Cheikh al-Bukhari lui-même, page 177 à page 189. Il y a tout un chapitre sur al-maqloub qui est un des genres qui sont cités dans al-Bayquniya, de l'imam al-Bayquniya, rahimahullah. Nous, on va traduire ça comme ça, et certains tournent certains hadiths. Comme Hamad ibn Salama qui a tourné des hadiths à Thabit al-Bunani. Pour le tester, il a dit qu'ils ne se sont pas mélangés pour lui. Et je les ai mélangés pour Aban ibn Ayyash et ils se sont mélangés pour lui. Et ce fait de tourner les hadiths, le qalb, est l'un des genres de science des hadiths, al-maqloub. Et les savants l'ont cité parmi les méthodes de test. Le Cheikh Mohamed Bazmoul aussi, sur son site, il a un long, très long article sur ce sujet-là pour les frères qui. Et les sœurs qui veulent voir cela vraiment en détail. Et Cheikh dit, il y a des savants qui l'ont interdit de manière absolue. Et certains, et ils sont les plus nombreux, l'autorisent. Avec la condition qu'il ne reste pas comme un hadith. C'est-à-dire, il va expliquer ce que ça veut dire ici, que je t'ai testé et que tu n'as pas su répondre, alors il m'est obligatoire de t'expliquer avant que tu partes. Ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, et ce afin que l'erreur ne reste pas comme un hadith. Et certains, comme je l'ai dit, l'ont interdit complètement parmi les gens de science. Et donc ceci est une chose, et ce que j'ai dit est une autre chose. Et peut-être que je t'expliquerai plus et plus, et je conclue à ce sujet, et j'espère que cette affaire n'ira pas plus loin que ceci, car les palais et les hautes constructions ne se construisent pas sur des compréhensions incorrectes. Puis Cheikh dit, « Comme il y a le dhakarna de mu'asirin, de l'ulama mu'asirin, comme il y a le kutub allati darrasa l'imam Abdelaziz Abdullah bin Baz, kathira, sahih. » والكتب التي درسها شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ورحمة الله عليه كثيرة والعلامة مقبل رحمه الله والعلامة العباد حفظه الله والعلامة النجمي رحمه الله وغيرهم من العلماء المعاصرين وغيرهم. هل سمعت يوما ما أن اختبر أحد منهم طلابه بعد أنها شرحت كتب سينجين ناجح وراسب؟ موجود هذا؟ بعضكم لعله درس أو يدرس في المسجد النبوي عند شيخنا، صحيح؟ كم هي الكتب التي شرحها؟ عديدة. هل اختبر يوما ما؟ فهذا المثال أن أقول لن تجد لو قرأت في تراجم الأئمة أن فعل أحدهم هذا الذي يقال. Combien sont-ils, si nous citons les contemporains parmi les savants, combien sont les livres que l'imam Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz a enseigné? Nombreux, n'est-ce pas? Et les livres qu'a enseigné notre cheikh Mohamed al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, ils sont nombreux. Et le très savant Muqbil, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le très savant Al-Abbad, qu'Allah le préserve. Et le très savant Al-Najmi, et d'autres parmi les savants contemporains, et d'autres. As-tu entendu un jour que l'un d'entre eux a testé ses élèves après qu'il ait fini l'explication des livres, Sinjin, c'est-à-dire réussi ou échoué? Est-ce que cela est présent? Et puis le cheikh continue, cheikh al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, et peut-être que certains d'entre vous ont étudié ou étudié la mosquée prophétique chez notre cheikh, c'est-à-dire chez le Masjid al-Abbad, n'est-ce pas? Combien sont les livres qu'il a enseignés? Nombreux. Ou peut-être qu'il a voulu dire chez... Moi je pense qu'il a voulu dire chez le Masjid al-Abbad. Combien sont, parce qu'il a dit où étudie encore à la mosquée prophétique, chez notre cheikh, n'est-ce pas? Combien sont les livres qu'il a enseignés? Nombreux. A-t-il examiné un jour? Ceci est un exemple. Moi je dis, cheikh al-Bukhari qui parle, tu ne trouveras jamais, si tu lis les biographies des imams, que l'un d'entre eux a fait ce qui est dit. Et il se peut que quelqu'un dise, wa qad yaqulu qa'il. إذا معنى هذا أن الدراسة التي في الجامعات أو في المعاهد المنتظمة هل هذا أنه لا يجوز؟ قلت لك ترائقة وترائقة العلماء هي الشرح الذي ذكرنا والطريقة التي ذكرت لك. أما هذه الجامعات والجهات العلمية الرسمية فلا غير، أقول لا غير من إجراء ما فيها من امتحان وتنظيم الأمور وترتيب لها فقط، ليس إلا. أنت تسأل عن طريقة العلماء، هذه طريقتهم. تسأل عن طريقة الوزارات، هذه طريقتهم. Cheikh dit, moi, il se peut que quelqu'un dise donc le sens de cela est que l'enseignement qui a lieu dans les universités ou dans les instituts organisés, est-ce que cela veut dire que cela n'est pas permis? Cheikh dit, je t'ai dit que les méthodes des savants, c'est l'explication en fonction de ce que nous avons dit et la méthodologie que je t'ai citée. Quant à ces universités et à ces organismes scientifiques officiels, il n'y a aucun mal. Je dis qu'il n'y a aucun mal à y faire passer des examens et à y organiser les choses seulement. Toi, tu questionnes au sujet de la méthodologie des savants. Voici leur méthodologie. Tu questionnes au sujet de la méthode des ministères. Voici leur méthodologie. ولا يصح أن تقول كما جاءتني بعض الرسائل أن بعض الطلبة قال إن الدراسة والحالة هذه أشاع بناء على قول السابق وأشاع في الطلبة أن الدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا أو غيرها من الجامعات التي تعنى بدعة ولا يجوز هذا بارك الله فيكم من الاعتداء والفهم السقيم والافتيات والبهت فلم أقل إنها بدعة قلت هذا أنا أقول ولازلت وأصر بالأدلة التي ذكرت لا ليست على طريقة العلماء التي سلكها أهل العلم في تدريسهم في حلق العلم وجوامع العلم واضح أما أن يكون في إحدى الجامعات أو المعاهد فعل هذا الفعل بالمفضول ليس إلا ولا تزد على هذا بارك الله فيك واضح. Donc Cheikh il dit, il n'est pas correct que tu dises comme certains messages me sont parvenus, que certains étudiants ont dit que les études dans cette situation, et cela a été diffusé en se basant sur ma parole précédente au sein des étudiants, que les études au sein de l'université islamique de Médine par exemple, ou autre parmi les universités sont une innovation religieuse, une bid'a. Cela n'est pas permis qu'Allah vous bénisse. En termes d'oppression, c'est-à-dire d'injustice, et de mauvaise compréhension, et de calomnie, de mensonge, car je n'ai pas dit que c'est une innovation religieuse. Et je dis cela, moi je dis, et je dis toujours, et je persiste avec les preuves, que ce que tu as dit n'est pas la méthodologie des savants qu'ont suivi les gens de science, dans leur enseignement, dans les assises de science, et dans les assemblées de science. Est-ce clair? Quant au fait que cela soit dans l'une des universités, ou des instituts, cela est fait par ce qui a moins de préséance. Bil mafdoul. Et ne rajoute rien à cela qu'Allah te bénisse. Est-ce clair? Puis Cheikh, il a clôturé ce point-là en disant Idan, hal yajuzu l'inkara ala man imtahana wa ikhtabara? La yajuzu, la yajuzu. Fahimtum? Na'am, fi su'al, hal al ikhtibar adhanikum baqiya shay? بل إن بعضهم يقول في جواب السابق حتى أني ذكرت قلت إذا كنت ولا بد فاعلا فاختبر نفسك في البيت فيما بينك وبينه والصحيح لكن لا تغش أو لا تغش وكنت أذكر هذا على سبيل الدعابة قال بعضهم ما الفرق بين اختبار الطالب لنفسه واختبار الشيخ له طيب ماذا نفعل يا إخوة الأمور يجب أن تؤخذ بهدوء وروية ولا يكون الواحد منا إمعه الإدراك والفهم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم donc est-il autorisé de faire un reproche à celui qui a examiné ou testé ce n'est pas permis avez-vous compris oui dans une question cela fait partie du fait de tester vos esprits s'il reste quelque chose mais de plus certains ont dit que j'ai dit dans ma réponse précédente que si tu dois absolument le faire alors examine-toi toi-même à la maison et corrige mais ne triche pas. Et j'avais dit cela par plaisanterie. Certains me disent, quelle est la différence entre le fait que l'étudiant se teste lui-même et le fait que les chers le testent? D'accord, qu'allons-nous faire? Oh frère, les choses doivent être prises avec calme et discernement et que l'on ne soit pas stupide. La compréhension et la perception. Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est le titre du chapitre qu'on a déjà cité. Chapitre de la compréhension dans la science. Bab al-fahm fil ilm. Puis Cheikh il dit à l'étudiant qui lit le maître de Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab dans le Arba, oui vas-y, na'am tfaddal. Et puis l'étudiant dit Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala, amma ba'd, Allah maghfir lana wa li shaykhina wa li walidina wa li sami'in. Et bien c'est une phrase que je vous recommande de retenir, et c'est une phrase que certains chiurs, quand on a lu des moutons, ils nous ont dit de dire quand tu lis le maître sur un Cheikh, tu dis Allah maghfir lana wa li shaykhina li walidina wa sami'in. C'est un adab du talib qui lit le matin au Cheikh. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة القواعد الأربع القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc l'élève qui lit le texte de l'épître des quatre règles dit « Au nom d'Allah et toutes les louanges reviennent à Allah et que la prière et la salutation sont sur le messager d'Allah ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont aimé. Ceci étant dit, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à notre cher et à nos parents et à ceux qui écoutent. » Ça c'est l'adab dont j'ai parlé par rapport au fait de l'étudiant qui lit le matin au cher. Et il dit « L'imam revivificateur Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah notre lui fasse miséricorde, a dit dans son épître les quatre règles. » Et là on revient au matin des quatre règles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-Qa'idatu al-Thaniya, la deuxième règle, qu'ils disent, nous ne les avons invoqués et nous ne nous sommes orientés vers eux que pour demander le rapprochement et l'intercession. La preuve du rapprochement, la parole d'Allah dans la traduction du sens est, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate Az-Zumar, verset 3. Maintenant, on a l'explication du sharh de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala. Et pour les frères et les sœurs qui ne connaissent pas ce cheikh ou connaissent peu ce cheikh, on avait fait dans notre premier cours, ou dans les cours suivants, pardon, parce que le premier cours c'est une biographie de Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab, rahimahullah. Puis dans les cours qui ont suivi, on a fait une biographie assez extensive de Cheikh al-Bukhari, rahimahullah. Il dit, هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن الوهاب في هذه الرسالة النافعة والكلام عليها شرحا من وجوه. Ceci est la seconde règle parmi les quatre règles que l'imam Mohammed ibn al-Wahhab a citées dans cet épître bénéfique. Et l'explication de cette règle est sous plusieurs angles. Et nous n'en ferons qu'un aujourd'hui pour que ce ne soit pas trop long, inshallah. Il dit, al-wajh al-awwal, le premier angle, أن هذه القاعدة فيها بيان حال المشركين الذين سماهم الله عز وجل وحكم عليهم بالخلود في النار قال نبخس الظلم دي الانفير وأن هؤلاء مقرون بتوحيد الربوبية وإنما أشركوا في توحيد الإلهية وبيانه أنهم مقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق مع الله وإنما اتخذوها لتقربهم من الله زلفى ولتشفع لهم عنده فهم إذا عبدوها على جهة القربة أو الشفاعة فيقولون إنما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. طيب لماذا طلبوا القربة والشفاعة منهم عند الله؟ السبب في طلبهم وتوجههم إليهم هو أنهم يدعون أن أولئك المدعوين أصحاب طاعات ودين ولهم أعمال صالحات، لذا توجهنا إليهم وطلب شفاعتهم لنا عند الله. Il y a dans cette règle, donc le premier angle quant à l'explication de cette deuxième règle, il y a dans cette règle la mise en évidence de la situation des associateurs al-mushrikoun qu'Allah le Très-Haut a nommé et au sujet desquels il a jugé qu'ils seront éternellement en enfer et que cela reconnaît l'unicité de seigneurie. Mais ils ont associé dans l'unicité de divinité. Et l'explication de cela est qu'ils reconnaissent que leur divinité ne crée pas et ne pourvoit pas avec Allah. Mais ils ne les ont pris que pour qu'ils les rapprochent davantage d'Allah et afin qu'elles, les divinités, intercèdent pour eux. Ou afin qu'ils intercèdent pour eux auprès de lui. Et donc ils les ont adorés sous l'angle du rapprochement ou de l'intercession. Et ils disent, nous ne les avons invoqués et nous ne nous sommes orientés vers eux qu'afin de demander le rapprochement et l'intercession. Cheikh al-Bukhari il dit, d'accord, pourquoi ont-ils demandé le rapprochement et l'intercession d'eux auprès d'Allah? La raison de leur demande et de leur orientation vers eux est qu'ils prétendent que ceux-là qui sont invoqués sont des gens qui détiennent une obéissance à Allah et une pratique de la religion et qu'ils ont des actions vertueuses et que c'est pour cela que nous sommes orientés vers eux et que nous leur avons demandé leur intercession pour nous auprès d'Allah. Et avec cela, on aura fini le cours d'aujourd'hui. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, à l'heure habituelle. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.